Bonsoir, vous écoutez Nuisance, Nuisance, l'émission de tous les non-sens, tout le non-sens, de toutes les nuisances, de toute la nuisance, l'émission qui nuit au sens. comme je vous disais un peu auparavant, que je vous disais des choses, plein de choses, et donc entre autres pas grand chose. Mais rebalance le son derrière peut-être. Ouais, ce que je vais faire, mais okay. D'abord, je ne te permets pas, ceci n'est pas une radio libre. D'abord, on n'est pas ici pour mourir ou pour être libre. On est ici pour fermer sa gueule et aller au boulot, et c'est tout. Hein. Justement, j'y vais. Je ne te permets pas. Quoi. Je suis vraiment outré. C'est quoi que je devais faire? Ah ouais, je me souviens. Bon, bah, je vais le faire alors. Si vous aimez les bruits de bouche, eh bien, il y a nuisance. Si vous aimez les bruits tout court, il y a nuisance. Si vous aimez le bruit, il y a nuisance. Nuisance, c'est le bruit, et on aime ça. On aime ça, hein. On aime ça, le bruit, moi. Hein. J'aime le bruit, hein. J'aime le bruit. Hein. Le bruit, hein. L'éternuement. Nageant, il prit peur. Perplexe, relaxe. Et son complexe. Déterminé à confondre par plissement hercynien interposé le radiant du cadran du compas, il a du temps pour lui, malgré l'extrême onction qui l'attend. Soumis au réel, comme les autres, au prix au cerf, au croc des distances, à la mesure d'une sincère abac cadre. Il s'offre le luxe petit bourgeois de vivre sans fournir l'essentiel de ce que tous ceux qui bossent, travaillent, triment, réunionnent, cela donne et y croient, comme Pascal au bistrot, vive. Ici, il fit la rencontre du vitrail, vicomte, boss d'une succursale agricole, emmagasinant conjointement au chopi de Rabastens-sur-Tarn comme d'un couple, composé d'un navet flanqué d'une dragonne naveline orange déconnectée. Sorte de rare plaisant meeting, n'était-ce une situation commune, tout sauf inhabituel dans ce bled, où boire un kawa amer comme une idée de lucre les jours de marché agit à la manière d'une espèce de genre grave, grave, de destinée profonde, à déformer l'actuel du présent, alors qu'atroce à sa cause, il déambule, béatifiant, sans un bal, à attendre d'entreprendre une récup pour la semaine. Les temps sont durs, à l'instar peut-être, du pH de l'étang tari qui jouxte son royaume. Tout au plus, y gisent ses ascendants. Tout au plus, y gisent ses ascendants. L'idiome en son éternel enfant. Hasta la bodega siempre ne peut être vendu par Amazon, ne peut être labellisé. là dans le cul. Oui, vas-y. Bon, vas-y, mets à fond, vas-y. Ouais, nique-moi, nique-moi. Ouais, nique-moi. Ouais, nique-moi. Et pas volubile, ou seulement, je sais ce que ça voulait dire. Boum, pack de bière. Chuck éclate, encore une fois, pack de bière et puis il éclate. Je t'en foutrais des éclates, moi. Mais pourquoi t'es si agressif, Calmos? Tu cours, c'est pas la discrétion. Je te baise. Ça va être chaud, à chaud, à chaud, à chaud, à chaud. C'était des odeurs de campagne qui fume et perle après la pluie. C'était l'air iodé, épaissé de son humide moiteur qui exhale. C'était ces grillons qui hurlent à tue-tête ou bien les enfants conduits par le capitaine qui apprenait un conte. C'était la terre que l'on approchait et la nuit toute noire quand ils débarquèrent. Le barbecue du bord était troué et ils s'y invitèrent donc à manger. Chez le passant qui passait par ici. Le repas, quoique gargantuesque, fut bref. Des saucissons de tous les calibres, des compotés de légumes variés, de toutes sortes, des merles comme s'il en pleuvait, un cochon sauvage pour méchoui, des brouettés de tourtes, des appareils inconnus, pour des entremets tout autant succulents et dégoulinants d'extravagants coloris, composés ces agapes. Inventeurs involontaires de ces trésors de la gastronomie avalés avec plaisir, ils engloutirent en sus du vin, bien sûr, par foudre, du champagne, par Nabucodonosor entier, de la fine, par Jéroboam en nombre improbable, mais aussi de ces liqueurs trop bien connues qu'ils savaient venues d'on ne sait où, à tel point que leurs ventres s'emballonnèrent ce soir-là, à la mesure de celui d'un géant de fable. Alors ce furent les cloches qui sonnèrent 23 heures, qu'ils les firent se lever de table. La route allait être longue pour rejoindre la nef, mais quand ils furent arrivés, le grain était passé. Au petit jour, le calme était plat, tout le havre dormait encore. Les flatulences immondes de la nuit empestaient l'air des cabines quand les ventres fourmillaient de glou-glou. Les enfants, comme le capitaine, ainsi que le Bosco ronflait à l'aise dans leurs bannettes. Au loin, là, des cimes d'arbres charnus s'étiraient à pratiquer leur prise de yoga préférée. Au très loin, au-delà, leur soleil naissait de nouveau. Ici, deux poules d'eau s'ébrouaient. Là-bas, un coq de bruyère faisait ses gammes. De nulle part une basse-cour domestique en s'éveillant vociférait d'un cri à l'unisson qui montait vers le plus haut. Du grain, vilain propriétaire terrien. Les cloches tintaient à chaque heure. Déjà les Allemands, nos voisins de quai, avaient mis les voiles. Malgré les flibustes rêveries nocturnes qui avaient débordé le bord, les fièvres fantasques d'aucuns, les embarras gastriques de certains, les vomissements tardifs d'autres, les engorgements étouffants, mitonnés aux petits oignons de tous, ou les bouches acides. Pour l'équipage au lever, l'humeur restait badine. Les rêves clos, les manteaux du mental reboutonnés, le ciel débarbouillé, les montagnes au loin, les dents brossées, il était temps de lever l'ancre. Ils naviguèrent auprès, au gré du capitaine. Ils naviguèrent auprès, au gré du capitaine. Le vent incertain, comme le mouvement brisant de la houle fit rendre toutes les contenances aux 9/10 de l'humanité présente dans le navire. Oui, aux 9/10 de l'humanité présente dans le navire. Oui, aux 9/10 de l'humanité présente dans le navire. Comme je vous disais auparavant, vous écoutez Canal Sud. Canal Sud, téléphone, le 05 61 53 36 95. 61 53 36 95. 61 53 36 95. Et c'est Nuisance qui vous offre un peu de silence pendant quelques secondes. Juste question de relater des faits qui n'ont pas existé. Mon but est de politiser l'obscénité, sinon mieux, pornographie. Mon but est de politiser l'obscénité, sinon m'imaginer libérer, pornographie. M'imaginer libérer, l'esclave. Qui sommeille en moi par la parole qui nous transcende. L'esclave. Qui sommeille en moi par la parole qui nous transcende. L'esclave. Grosse banane. Sommeille en moi par la parole qui nous transcende. L'esclave. C'est succulent. C'est succulent. Un jour viendra. Un jour viendra, finira. L'éjaculation. T'as qu'à bouffer bio. T'as qu'à bouffer bio. T'as qu'à bouffer bio. T'as qu'à bouffer bio. T'as qu'à bouffer bio. T'as qu'à bouffer bio. T'as qu'à bouffer bio. T'as qu'à bouffer bio. T'as qu'à bouffer bio. T'as qu'à bouffer bio. Nuisance. T'as qu'à bouffer bio. Nuisance. T'as qu'à bouffer bio. Nuisance. T'as qu'à bouffer bio. Nuisance. T'as qu'à bouffer bio. Nuisance. T'as qu'à bouffer bio. Nuisance. T'as qu'à bouffer bio. Nuisance. T'as qu'à bouffer bio. Nuisance. T'as qu'à bouffer bio. Nuisance. T'as qu'à bouffer bio. Nuisance. Ouais, mais t'as qu'à bouffer bio. Nuisance. Ouais, mais t'as qu'à bouffer bio. Nuisance. Ouais, mais t'as qu'à bouffer bio. Thank you. tient capable comme dans non capable de faire quelque chose. Il est revenu à lui. Je l'adore, je me le fous dans le cul, jusqu'au fond, en grattant même mes hémorroïdes et la merde. C'est bon la merde, je la bouffe, j'en suis là, et vous en êtes où? Non, ne me répondez pas tout de suite. Laissez-moi formuler une réponse, laissez-moi faire. On va bien trouver quelque chose d'intelligent à dire, ou peut-être pas. Ouais, finalement, on laisse tomber. C'est pas moi qui vais vous dire quelque chose de sage, sauf merde. Partout la merde, tant de merde, tout merde. Toute merde même. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, j'y crois pas. J'ai trouvé quelque chose. Le cake. Je suis le cake, c'est trop bon. C'est bon, ouais. Baise-moi encore, ma salope à moi. Je veux tant approcher ta finesse. La tour sombre assombrie par l'éclat du soleil. Aussi peu probable ce que là puisse paraître, c'est pourtant la vérité vraie, je le jure. J'y suis presque. Tout ce que je vois, c'est le bout du tunnel, encore et encore, dommage, collatéral. Si je sais ce que ça veut bien dire, je m'en fous, ta gueule, tu nous gênes, tu nous fais chier, tu nous donnes des maladies. Et on veut pas te parler, alors casse-toi, tu pues. Oui, je pue. C'est vrai, et j'aime ça. J'aime puer la bite et la merde. Et y'a personne après qui m'en empêchera. Jamais de continuer, de contaminer d'autres gens avec ma maladie. Vas-y. Éclate. Écoute. Bordel. Écoute tes écouteurs. Ils résonnent en plastique. Ils ont une résonance en plastique. C'est génial, j'adore. Je voudrais pouvoir lécher une idée. Ah, mais je peux, j'ai trouvé. Vierge. J'ai dépucelé une vierge qui avait l'hépatite C. I fuck the Yorkshire. Je baise le Labrador. Je nique le pic, le roc, le doberman, le berger. Je baise le berger avec son bâton. Et la bergère, je la laisse au loin. Je suis chez les esprits. Bon.

Have you heard the rummaging today? The rummaging, the rummaging today. Récurrent, redondance, redondance, danse, y va te faire foutre, t'as réenculé, chaculé, chaculé, chaculé, chaculé, chaculé, chaculé, chaculé, shut up. Sweet motherfucker. Sweets to the sweet. And I don't care who I fuck. Fuck, fuck, fuck. Fuck, fuck, fuck. Fuck. Pour tous les enfants. Tous les enfants. Fuck. Thank you. nanana. Un pour tous les enfants. Nanana. Et un bisou pour moi. Un bisou pour papa.

stay the longer you can, you'll live longer than you stick. As long as you can, you stay the longer you can, you'll live longer than you stick. Fuck me, fuck me, fuck me, fuck me. seul. Plus en plus seul. De plus en plus. Plus en plus seul. De plus en plus. Plus en plus seul. De plus en plus. De plus en plus seul. De plus en plus. De plus en plus. De plus en plus seul. De plus en plus seul. De plus en plus. De plus en plus. De plus en plus seul. Une belle histoire. L'histoire que j'ai à raconter. Une belle histoire. N'est pas de celle dont on dit qu'elle est belle. C'est une histoire de mort et de vie, donc de mort et de souffrance absolue comme valeur absolue. La valeur de la souffrance est absolution complète et totale. La souffrance. Est-ce itérant que la façonnance d'une forme est-ce tranquille itérant. Qu'est-ce que la forme de l'être quand on n'est pas cette forme-là? Qu'est-ce qu'être la forme si on ne l'est pas, cette forme-là? Qu'est-ce qu'être la forme si on ne l'est pas, cette forme-là? En cas de forme, précisez laquelle. En cas de forme, précisez laquelle. Banderole. 1. Il faut que je cesse d'exister. 2. Il faut que je pratique l'escrime. 3. Il faut que je fasse. 4. Il faut que au pied de la lettre, au pied de la lettre. Au pied de la lettre s'employer à. Au pied de la lettre s'employer à quoi? On ne le saura pas. On ne le saura pas. ne le... sachant que la gloire religieuse de mère de qui fait exister de rigueur en fonction qui chie la mère de qui que pour ainsi dire jamais que le Théo soit moi. Si dire jamais que le Théo soit moi. Pour ainsi dire, justement, élucubration officiante, mais quand même attention, merde. La trame de fond se fond en fond de comble chose fondante au fond. La merde se logique en fonction de la merde en parlant jusqu'à l'aube de la création. La merde a fait de tout l'œuvre d'une créatrice force la merde. La merde. Quant à parler en bon du point, je ne le fais pas. Merci encore à ceux et celles qui ont participé, par mons et par vos, ceux qui ont celles participées, merci. Comme disait le général de Gaulle, il n'est jamais bon, un certain temps, de ne pas. Alors ce soir, nous l'annonçons, c'est la fin de Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances prend fin. Environ à 23h, car nous avons environ commencé vers 21h, tout comme tous les vendredis, sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances.

on a track over 40 cars. Canal Sud. Canal Sud, 92.2, 05, 61, 53, 36, 95. Canal Sud, 92.2. Analyse 92.2.